21e chapitre, communication et amour, partie 2. Je dois apprendre et assimiler le fait que si je vis une vie de frustration, où je vais cumuler des subpersonnalités, c'est-à-dire des événements qui se sont passés dans ma vie que je n'arrive pas à gérer émotionnellement, injustice, frustration, tout cela vont créer des subpersonnalités, des personnalités qui sont cachées au plus profond de moi et qui ne ressortiront que dans des événements particuliers. Et l'ensemble de ma personne devient une personne qui est un cumul de subpersonnalités. Mon ego devient un espèce de subpersonnalité qui n'est le résultat que de l'endoctrinement des sociétés, peur, frustration. L'ego véritable n'est pas une opposition à l'âme. C'est le subpersonnalité qui est une opposition à l'âme. Mais l'ego équilibré est une adaptation moderne, une prolongation moderne de notre âme. Notre âme est tournée vers la lumière, vers la compréhension, vers l'amour. Et notre ego, c'est le résultat de l'éducation de cette société. Je sais utiliser un ordinateur, je sais parler telle ou telle langue, m'adapter à telle ou telle culture pour exprimer les valeurs de l'âme. L'ego n'est qu'une extension de l'âme, qu'un bras de l'âme, si vous préférez. Par contre, l'ego qui sont le cumul des subpersonnalités, les super-supersonnalités qui cumulent aussi le conditionnement national, l'endoctrinement national, religieux et ainsi de suite. Tout cela, c'est un cumul d'événements traumatiques où je me suis soumis, où j'ai appris la religion pour me sentir mieux, où j'ai appris à fumer pour déstresser, où j'ai appris toutes ces choses-là pour être en paix complète, autant que faire se peut, pour affronter tous ces cumuls de contradictions. Ce qui devrait être une prise de conscience avec mon ego qui est l'extension de mon âme, en prenant conscience qu'il y a tel ou tel problème, que je dois faire attention dans telle ou telle situation, cela devient l'essence même de mon ego, qui n'est plus un ego, mais un super-supersonnalité. Super traumatisme, super accumulation d'impossibilités. Et c'est la personnalité, basiquement, des êtres humains que j'appelle des babouins. Vous avez aussi le feuilleton Walking Dead, les morts marchands, The Walking Dead. Et moi, j'appelle les gens The Working Dead, les travailleurs morts. The Walking Dead. Et par travailler, ils rentrent à manger. Et ces gens qui vivent dans cette société ne sont que le résultat d'un cumul d'informations qui, au lieu d'être des informations périphériques pour que l'ego, extension de l'âme, puisse accomplir son travail au mieux, devient l'essence même de l'existence. Et cette essence même de l'existence, des super-subpersonnalités qui prennent le contrôle de tout, qui sont de plus en plus envahissants et qui deviennent l'ego, mais qui n'est qu'un cumul de super-personnalités qui ressort à la surface et qui devient le deuxième ego, l'ego officiel de la société, cet ego-là n'a pas de réincarnation. Ce ne sont que des résultats de traumatisme, de conditionnement, et ces résultats de traumatisme et de conditionnement meurent à la fin de la vie. Terminé. Tout comme vous n'avez plus la même coupe de cheveux, tout comme vous n'avez plus le même corps, la même adresse, la même voiture, vous n'avez plus non plus accès à cet ego qui est un cumul de traumatismes, de conditionnements. Tout cela disparaît à votre mort. La seule chose qui continue, c'est l'ego qui est l'extension de l'âme. Et l'ego qui est l'extension de l'âme enrichit l'âme. Et l'ego qui est l'extension de l'âme va partiellement disparaître au moment de la mort, mais va être une partie d'enrichissement de l'âme. Donc l'immortalité existe pour l'ego qui est l'extension de l'âme. L'immortalité n'existe pas pour l'ego qui est le cumul des subpersonnalités. Donc encore une fois, en s'isolant dans la croyance de cette société, on s'isole de la vie éternelle, on s'isole du champ énergétique, de la conscience, et il n'y a plus d'évolution dans la communication et dans la découverte. Lorsqu'il n'y a plus d'évolution, il ne reste plus que la possibilité de l'involution, de la société qui s'écroule, et de l'être humain qui s'écroule, et de l'humanité qui s'écroule. La guerre, les religions, c'est l'isolement des peuples qui finissent par être obsédés par leur propre vérité et qui finissent donc à justifier le fait de massacrer quelqu'un qui n'a pas la bonne religion ou le bon passeport. Les langues, par définition, sont des outils de séparation. Si moi je parle tant de langues, c'est parce que j'essaye de communiquer et d'unir les gens. Le Fao, qui est une langue plus ancienne, très ancienne, c'est une langue d'unité, c'est une langue de vérité qui devrait être parlée par tous pour être en paix avec des valeurs véritables et avec une communication unique et unie où la séparation n'existe pas, où le critère de ma religion, mon pays n'existe pas. Et va dans la philosophie aussi du docteur Zamenhof en espéranto, qui avait créé une langue pour que tous puissent utiliser la même langue qui n'appartienne à aucun pays, mais qui soit une langue très évoluée, très démocratique, où il est considéré par l'omaranismo, c'est-à-dire le fait que nous sommes tous membres de la même humanité, il est considéré que de rejeter quelqu'un parce qu'il n'a pas le bon passeport ou la bonne religion est un jugement primitif, très primitif et chaotique. L'être doit exister par sa capacité d'empathie, d'amour, de communication. La séparation mène à la mort. La séparation veut dire la fin de l'amour. La séparation du couple, c'est la fin de l'amour. La communication, c'est la prolongation de cet amour. L'ego qui communique avec l'âme, c'est la prolongation de l'amour. Les peuples qui communiquent entre eux par une langue magique comme le Fao ou l'Espéranto, c'est la communication de l'amour. L'unité en moi, dans mes émotions, dans mes sentiments, dans mes chakras, dans mes tantiems, tantiems inférieurs, tantiems du milieu et tantiems supérieurs, c'est l'unité qui crée la paix. C'est établir le Fao dans le monde entier ou établir le Fao en soi-même, en paix et en sérénité. Si je suis en unité avec moi-même, en paix, que je suis entier, je peux communiquer avec les autres. Je peux comprendre leurs différences, je peux apprendre d'eux et leur enseigner. Si moi-même je suis en guerre avec moi-même, obsédé par mes idées, en étant complètement narcissique, en étant complètement obsédé par moi, comment pourrais-je entendre l'autre alors que mon message intérieur est si bruyant et si chaotique qu'il combat d'autres messages et d'autres messages? Déjà en moi-même, je n'arrive pas à m'entendre et être en paix avec moi-même. Comment pourrais-je communiquer avec les autres? Les pays qui sont en guerre, c'est exactement la même chose. Quant à notre planète, qui n'est que chaos et destruction, et qui ose présenter avec arrogance, si les extraterrestres existaient vraiment, ils nous parleraient. Mais ils nous parlent. Les crop circles, les pyramides, tant d'autres choses, ils nous parlent et ne cessent de nous parler. Mais nous ne cessons de ne pas entendre, parce que nous sommes incohérents en tant que population. En guerre, en jalousie, en manipulation. Nous avons tant de choses à débattre dans tous les mensonges qui nous sont présentés qu'il ne reste que à s'entretuer et il nous est totalement impossible d'écouter les autres civilisations qui sont autour de nous. Comme un être non équilibré ne peut pas écouter ses voisins, la planète Terre ne peut pas écouter ses voisins, non pas parce que les voisins n'existent pas, mais parce que l'état de paix de notre planète n'existe pas. C'est très différent. Alors, j'ai parlé précédemment dans la première partie de cet enfant, James the Third, James le Troisième. C'est James Ellington. James Ellington. Et vous pourrez trouver beaucoup de choses par rapport à lui. Vous n'avez qu'à googler son nom et vous trouverez énormément de choses. Nous avons quand même à travers son histoire la preuve des amis qui attendent au moment du départ. Nous avons la preuve de la communication de l'âme qui parle avec le père et la mère pour établir son retour, sa naissance. Quelle leçon! Quelle leçon fantastique d'existence de l'âme! Ce simple cas de James Ellington devrait changer radicalement votre existence, votre vie entière. Sans parler des 280 millions de cas terrestres de NDE qui vont tous vers la lumière, en découvrant la valeur de la lumière. Comment peut-on rester fermé à tout cela? C'est impossible. C'est impossible. Je vais donner encore une image très simple. Vous êtes dans une boîte de nuit et il y a 5 ou 6 filles qui viennent vous draguer, qui font tout pour vous exciter, qui cherchent à vous embrasser. Et vous, vous êtes là et vous dites, ben, il ne s'est rien passé, il n'y a personne qui s'intéressait à moi. Vous comprendrez que pour être incapable de voir toutes ces filles qui vous draguent et qui dansent avec vous, qui se frottent contre vous, il faut que vous ayez un endoctrinement dans votre esprit. Qui vous dit que, je ne sais pas, une fille ne peut exister que si elle veut vous proposer le mariage ou peut-être simplement parce que vous êtes homosexuel, vous ne regardez pas les filles. Mais ce qui est clair, c'est que pour ne pas voir ce qui vous entoure là avec 5 filles et dire « il ne s'est rien passé dans cette soirée, j'ai aucune proposition », il faut que votre cerveau soit très très habité par d'autres choses pour ne pas voir, ce qui est autour de vous. Ne pas voir l'histoire de James Ellington qu'on peut vérifier en long, large et en travers et qui n'est qu'un cas parmi 500 autres cas. 500 autres cas. Pour ça, il faut avoir l'esprit extrêmement occupé. Vous êtes endoctriné par quelque chose qui vous interdit de regarder autour de vous ce qui existe. Ce même James Ellington, quand précédemment je racontais l'histoire des bombes, quand sa maman avait acheté l'avion et que le gamin avait dit non, ce n'est pas des bombes, ce sont des réservoirs extérieurs, j'avais dit dans la première partie qu'il devait avoir 5 ou 6 ans, parce que c'est logique. Il avait en fait 2 ans dans cette histoire. Comment un enfant de 2 ans peut corriger sa mère sur un aspect technique comme ça? Il y a un enfant qui était obsédé par l'enseignement tibétain, qui fait tout pour aller vers les Tibétains. Pour lui, il n'y a rien d'autre que la pratique tibétaine, etc. Cet enfant, il va être reconnu par un karmapa, qui est donc une espèce d'autorité tibétaine pour reconnaître les vies passées. Et il va être reconnu d'une façon très spontanée, très inattendue. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que cet enfant qui est obsédé par ça, il est reconnu quand il a 1 an. À 2 ans, l'enfant veut absolument étudier le tibétain, qui est, d'après ce que je sais, une des langues les plus difficiles au monde. Et donc, il va étudier le tibétain. Il va commencer à étudier le tibétain quand il a 2 ans. Quand il a 3 ans, les tibétains qui sont en contact avec lui sont incapables de reconnaître qu'il n'est pas tibétain. Il parle tibétain comme un tibétain. Donc ici, on a quand même un problème. Un enfant de 3 ans qui parle tibétain comme un tibétain. Parfaitement bien. Comment cela est-il possible? Et encore une fois, on a affaire à une situation qu'on ne peut pas nier. On ne peut le nier que parce qu'on est totalement endoctriné et qu'on ne peut pas voir les filles qui viennent nous trouver, qui dansent autour de nous, et la vie n'est qu'est-ce qu'on a décidé qu'elle soit. On est incapable de voir ce que la vie est réellement autour de nous. Ça s'appelle de l'endoctrinement total. La preuve de la communication, de l'amour, de l'essence même de cette existence est partout en vous et autour de vous. Si vous ne la voyez pas, ne vous demandez pas si elle existe, demandez-vous ce qu'il en est de votre liberté intellectuelle, de votre liberté d'observer, d'apprendre de vos observations, de réagir et d'évoluer. Alors par rapport à James Ellington, pour comprendre mieux aussi, j'ai expliqué dans la première partie que James Ellington se battait sans arrêt dans son lit. Or, à force de faire des recherches, le père de James Ellington va retrouver un vétéran de la guerre qui a vu ce James Jr., le deuxième James, mourir. Et il se trouve que son avion a été touché. Il l'a vu tomber dans la mer, mais son avion n'a pas brûlé. Et l'avion a coulé assez rapidement avec James Jr. qui était enfermé dans le cockpit. Et quand on repense à James Ellington qui se bat sans arrêt dans son lit pour essayer de sortir de quelque chose en hurlant parce que l'eau monte et ainsi de suite, quand on retrouve les détails de la mort de James Jr., quelle précision! C'est encore une fois totalement impossible d'inventer toutes ces choses-là juste par hasard. Alors encore sur l'histoire de James Ellington, je précise que lorsque James Ellington parle à son père et qu'il dit qu'il a eu raison de choisir ses parents parce qu'il pourrait être de bons parents, il va préciser ce repas sur la plage dont j'ai parlé précédemment dans le chapitre d'avant, et il va même donner le nom de l'hôtel. Le nom de l'hôtel, qu'il ne connaît absolument pas. Pourtant, il va sortir le nom de l'hôtel à son père qui sera obligé d'aller vérifier et de se dire « mince, c'était vraiment cet hôtel-là ». Et plus étrange encore, c'est qu'après, sur la plage, avoir décidé qu'il serait temps d'avoir des enfants et que James était donc déjà passé par là, eh bien, 7 semaines plus tard, la femme est enceinte. Si on considère qu'on retrouve qu'elle est enceinte 7 semaines avant, ça veut dire qu'elle est enceinte en réalité, grosso modo, 5 semaines après la visite de James. Ce qui correspond parfaitement à tout ce qui est enseigné dans les enseignements les plus subtils par rapport à l'incarnation d'une âme qui vient habiter une nouvelle famille. Alors encore une fois, pour mieux comprendre au niveau de l'âme et du Fao, cette compréhension d'une langue supérieure, avec des valeurs supérieures, on va présenter les subpersonnalités en tant que koi, c'est le terme technique. Quels sont tous ces traumatismes, ces choses ingérables, incontrôlables. Pour justifier l'ensemble de ces koi, on va se cacher derrière un programme national. Ah oui, mais je suis raciste parce qu'on doit protéger le pays. Ah oui, mais j'aime pas les noirs parce qu'ils sentent pas bon. Ah oui, mais la religion catholique, c'est quand même l'essence de la vérité et tout le reste, c'est des mensonges. Tout ça, on va appeler ça des drek. C'est le terme technique. Et le drek va entraîner une couverture encore plus grande, parce que chaque chose va entraîner une avalanche d'obscurité encore plus grande. Donc pour justifier ça, eh bien, je vais faire maintenant partie de l'église truc machin, et je vais me promener dans la rue en disant que les musulmans sont impurs. Je vais faire partie du Ku Klux Klan pour combattre les noirs. Donc on va passer dans des actes de société très discutable, négatif, diabolique, mais où je me sens protégé puisque je le fais avec tout un groupe. Donc ça ne fait que justifier, ben oui, je ne suis pas simplement citoyen de tel pays, en plus je fais partie du Ku Klux Klan, je protège mon pays, je combats les Noirs, les Juifs, les Arabes, les que sais-je. Ça c'est les drak. Puis ensuite, on monte à un niveau supérieur. Et le niveau supérieur, c'est que pour justifier la protection de mon pays, pour justifier la protection contre telle race ou telle race, je vais passer à l'acte de violence généralisée. On appelle ça la guerre. Et on bombarde la Syrie, et on détruit la Palestine, et on justifie telle ou telle chose. Et à ce niveau-là, ça s'appelle des drok. Drok, C'est les niveaux généralisés pour justifier. Donc il y a tout un chemin. Koi, Drek, Drak, Drok. Et au-dessus de Drok, il y a ce qu'on appelle Ragnarok. Et Ragnarok, c'est l'apocalypse. C'est la fin de la vie, la fin de l'existence. Avec suffisamment de Drok, on arrive à Ragnarok. En d'autres termes, on doit comprendre que l'apocalypse commence en vous, avec vos subpersonnalités qui vous permettent de justifier « je n'aime pas un tel, je ne peux pas supporter telle chose, je ne peux pas être honnête, je ne peux pas faire ça, j'ai besoin de fumer, j'ai besoin de boire, je suis un chaud lapin, j'ai besoin d'avoir 4 copines et pas seulement une, etc. etc. » L'apocalypse du monde commence dans les koi, dans les subpersonnalités, qui justifient les draks, qui justifient les draks, qui justifient les drocs, qui justifie Ragnarok. Donc il faut être capable d'avancer en comprenant que toutes ces choses-là ne doivent pas exister. Et lorsque dans votre existence, la lumière n'existe pas, que les manifestations divines n'existent pas, que les signes divins n'existent pas, ne vous posez aucune question par rapport à la divinité. Posez-vous de sérieuses questions par rapport à votre endoctrinement, par rapport à vos koi, drek, drak, drok, ragnarok. Posez-vous des questions par rapport à votre soi-disant libre arbitre. Parce que si je veux me promener dans la forêt et que je ne vois aucun arbre, ce n'est pas les arbres qui n'existent pas. C'est moi qui ai décidé que les arbres n'existaient pas et que je ne les percevrais pas. De la même façon, quand l'énergie, l'amour, la divinité n'existe pas dans votre existence, alors qu'elle est partout autour de vous, posez-vous des questions sur votre façon de capturer, de percevoir le monde autour de vous et toutes les interdictions qui vont vous contrôler pour vous interdire d'avancer vers la compassion, vers l'amour, vers la vérité. Lorsque ma mère est morte, c'était une femme qui n'était pas très avancée. Elle était gentille, mais elle n'était pas très avancée. Et elle avait une légende, par exemple, dans la famille, dont un événement que j'avais déjà vu avec quelqu'un de la famille qui est mort. Et à ce moment-là, il y a un cadre qui est tombé d'un mur, qui est tombé sur un balai. Le balai est tombé dans le couloir, ça fait un bruit d'enfer, un couloir en bois. Donc tout le monde s'est réveillé en se demandant ce qui se passait. Et en fait, c'était juste un cadre qui tombait. On se dit, ben, ça arrive. Et le lendemain, on a appris qu'exactement à cette heure-là, il y a quelqu'un de la famille qui était mort, un oncle. Et ma mère, elle avait déjà vécu cette chose-là avec deux autres histoires. Donc la légende du cadre qui tombe pour annoncer le décès de quelqu'un, c'était très fort dans ma famille, ou surtout dans la famille de ma mère. Et le jour de l'enterrement de ma mère, j'étais avec mon fils et on parlait. Et il me disait, il me demandait si j'avais peur de mourir et autres, et je lui expliquais non, absolument pas, parce que la vie c'est autre chose, il y a une conscience bien plus supérieure qui apporte tout. Et là, quand je lui parle de ma mère, et il me posait des questions sur Dieu, et, en me disant est-ce que tu crois dans le Dieu qui est présenté à l'église, je dis non, absolument pas, mais il y a une essence supérieure qui existe et qui lie tous les êtres qui sont morts et tous les êtres qui sont vivants. Il y a là quelque chose de très fort, de présent. Juste à ce moment-là, gros bruit dans ma chambre juste à côté de là où on était. Donc on va voir, on se demande ce qui se passe. Et c'était vraiment à la phrase même que j'ai présentée à mon fils. Et là, on arrive dans ma chambre, il y a plein de choses par terre. On se dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, il y a un cadre qui est tombé sur le haut d'un placard. Et sur le haut d'un placard, j'avais cumulé plein de choses que je n'utilisais pas. Et tout est tombé par terre dans un va-ouf pas possible. Et j'ai ramassé tout ça avec mon fils. Puis mon fils, qui était très troublé de ça, à la phrase même, il était vraiment très troublé. Il est reparti dans le salon. Et pendant que moi je finissais et que je remettais tout en haut, tout seul, j'ai simplement souri, j'ai dit « Merci maman, bonjour. » C'est partout. Je pourrais vous parler évidemment des choses beaucoup plus mystiques que je vis, mais je cherche à rester à des niveaux simples qui soient accessibles pour tous. Cela est partout. Et si vous ne le voyez pas régulièrement dans votre existence, si le monde divin ne vous sourit pas régulièrement d'une façon ou d'une autre, c'est que vous portez des lunettes qui vous interdisent de voir la vérité. La vérité vous rendra libre. Alors, vous devez apprendre à retirer vos lunettes des subpersonnalités, des coils, pour commencer à voir la vérité. À ne pas vous engager sur le chemin des coils, drek, drak, drok, ragnarok, mais sur le chemin de la vérité qui vous emmène à la lumière, à l'amour, à la liberté. Amour, sagesse, vérité, bonté, justice, manifestée, entraîne ce cercle d'amour autour de vous qui est la liberté, votre liberté d'être avec la lumière, votre liberté d'être cohérent, pour être un avec l'essence même de ce que vous êtes. Vous êtes l'essence même de l'amour. Il y a cette jeune dame qui m'a laissé des messages sur différents films que j'ai faits. Et je vais maintenant vous présenter ces messages, enfin ces réponses, lues par quelqu'un et mes réponses. Et par ceci, vous comprendrez comment je réagis, encore une fois, lorsque des gens me contactent et qu'ils ont cette expérience d'essence, essence divine, essence d'amour. Et si nous ne tournons pas massivement vers cet amour, vers cette lumière, rien n'arrivera, ou tout arrivera dans le sens négatif. Koi, drek, drak, drok, ragnarok. Mais il existe l'autre chemin, le chemin de compréhension, d'unité, de fraternité, de vérité, d'amour, de lumière, où la paix s'installe pour toujours, en nous et autour de nous. Amour est communication pour l'accomplissement d'une vérité. En nous, autour de nous, autour de la planète avec nos frères extraterrestres, partout, en tout lieu, les crop circles deviennent la panorythmie. C'est une même vérité liée et unie. Tout devient un. Tout devient possible, tout devient plaisant, merveilleux et fantastique, car nous sommes amour dans l'essence même de ce que nous sommes. Vivez avec joie et ne craignez rien pour la mort. Il n'y a rien à craindre vis-à-vis de la mort. Il y a à craindre lorsque l'on meurt dans sa vie. C'est-à-dire, on est toujours vivant, mais ces lunettes qui nous interdisent de voir la vérité nous entraînent dans ce chemin diabolique qui nous mène vers Ragnarok. Si l'on est en paix, notre chemin nous emmène vers la lumière. Si l'on est perdu, alors on se remène dans ce chemin de Ragnarok et on peut mourir en état de vie. On est vivant, on a 30 ans et on est mort. On a perdu toute lumière, tout espoir, tout amour. Et ça, c'est la seule mort qu'il vous faut craindre. Car cette mort-là mène au noir, au néant, au vide total. La mort physique, lorsque vous avez une bonne vie, est un événement merveilleux. Une aventure merveilleuse qui vous mène vers la lumière, paix, sérénité. Vous allez rencontrer l'amour même de ce que vous êtes et de ce dont vous êtes fait. Tout est en paix, tout est un, tout est parfait, tout est fantastique et merveilleux. Il n'y a rien à craindre devant la mort. Il y a tout à craindre devant l'obscurité. Menez votre chemin de paix et de lumière. Et je vais vous laisser maintenant avec les deux commentaires de cette jeune dame, je crois qu'elle s'appelle Valérie, je ne suis pas sûr, et de mes deux réponses. Merci. Commentaire de Valérie sur le chapitre 14. Ce qui est bouleversant, c'est que quand tout est détruit, quand il n'y a plus rien, mais vraiment plus rien, il n'y a pas la mort et le vide comme on le croirait. Pas du tout, je vous le jure. Quand il n'y a plus rien, il n'y a que l'amour. Il n'y a plus que l'amour. Tous les barrages craquent. C'est la noyade, c'est l'immersion. L'amour n'est pas un sentiment, c'est la substance même de la création. Osez aimer du seul amour qui mérite ce nom et du seul amour dont la mesure soit acceptable. L'amour exagéré. L'amour démesuré. L'amour immodéré. Merci Jim pour ce lien qui m'a permis de me rappeler l'enseignement de Satprem. Et merci à toi Iji et à tous ces commentaires que tu permets d'exister et qui prouvent que l'amour est plus fort. Gratitude à la vie pour ce qu'elle m'offre et que j'accueille inconditionnellement. Avec tout mon amour pour ces magnifiques présences de vie que vous êtes tous. Valérie. Réponse de Iji. Valérie, je ne te connais pas, mais je puis te dire que dans les chapitres anglais que je traduirai bientôt en français, j'ai fait aussi un très long travail sur les NDE, et je crois que tu adoreras ces chapitres. Lorsque tu dis « l'amour n'est pas un sentiment, c'est la substance même de la création », ça, c'est une phrase clé que j'honore, et que tu me permettras, je l'espère, de réutiliser. Ce sera le titre d'un de mes prochains chapitres, et tu sauras d'où il vient. Dans ce chapitre, je reprendrai ton texte entier, parce qu'il est la clé de tout ce que j'essaye d'enseigner. Armé de la boussole de l'amour, tu ne peux que arriver au nord de la lumière, à l'illumination. Cela pourra te prendre un peu de temps, ou beaucoup de temps, mais cela est, c'est indéniable. Continue ton chemin, tu ne peux plus te perdre. Iji. Deuxième commentaire de Valérie sur le chapitre 14. J'emprunte ton espace encore une fois, Iji, pour rajouter à mon commentaire précédent cette autre déclaration de Christiane Singer. Je croyais jusqu'alors que l'amour était reliance, qu'il nous reliait les uns aux autres. Mais cela va beaucoup plus loin. Nous n'avons pas même à être reliés. Nous sommes à l'intérieur les uns des autres. C'est cela le mystère. C'est cela le plus grand vertige. Au fond, je viens seulement vous apporter cette bonne nouvelle. De l'autre côté du pire, t'attend l'amour. Il n'y a en vérité rien à craindre. Oui, c'est la bonne nouvelle que je vous apporte. Et puis, il y a autre chose encore. Avec cette capacité d'aimer, qui s'est agrandie vertigineusement, agrandit la capacité d'accueillir l'amour. Et cet amour que j'ai accueilli, que j'ai recueilli de tous mes proches, de mes amis, de tous les êtres que, depuis une vingtaine d'années, j'accompagne et qui m'accompagnent, parce qu'ils m'ont certainement plus fait grandir que je ne les ai fait grandir. Et subitement, toute cette foule amoureuse, toute cette foule d'êtres qui vous portent, il faut partir en agonie, il faut être abattu comme un arbre pour libérer autour de soi une puissance d'amour pareille, une vague. Vague immense. Tous ont osé aimer, sont entrés dans cette audace d'amour. En somme, il a fallu que la foudre me frappe pour que tous autour de moi enfin se mettent debout et osent aimer. Debout dans leur courage et dans leur beauté. Oser aimer du seul amour qui mérite ce nom et du seul amour dont la mesure soit acceptable. L'amour exagéré, l'amour démesuré, l'amour immodéré. Alors, amis, entendez ces mots que je vous dis là comme un grand appel à être vivant, à être dans la joie et à aimer immodérément. Merci. Valérie. Réponse de Iji au deuxième message de Valérie. C'est tellement touchant ce que tu écris et c'est tellement vrai. Je me permettrai encore de prendre ces parties pour un de mes prochains chapitres, parce que ce que tu décris mérite encore une fois d'être entendu et reçu pour chacun. que cette vérité d'amour soit la source de bonté qui anime l'être humain dans chacun de ses gestes, de ses actes et de ses pensées. Et dit.